بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الحصة الماضية عن الشرك في الألوهية وعن نوع من الشرك في الألوهية. On a parlé la semaine dernière, on a parlé du shirk dans l'ulouhiya, c'est-à-dire shirk dans l'adoration. On a fait la première sorte du shirk dans l'adoration, c'est-à-dire dans l'adoration, c'est-à-dire l'association dans la demande. Dans la demande. Et la demande, ça comporte bien sûr tout ce qui est invocation, tout ce qui est demander secours ou intercession. C'est-à-dire prendre un intermédiaire, attendre que quelqu'un, demande à Allah pour toi, quoi. Et on a dit que le premier shirk qui est arrivé, c'est le shirk de Qawm Nuh. Nuh alayhi salam. Entre Adam et Nuh, il y avait 10 siècles dans le Tawhid. Jusqu'au moment où les gens commençaient à faire quoi? À vénérer des gens vertueux, des mouahidines, des gens normaux, des grands savants de l'époque. À les vénérer. Et puis à dépasser la mesure dans la vénération. C'est ce qu'on appelle le relou. Donc ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est quoi? C'est qu'ils s'installaient à côté de leur... c'est qu'ils s'installaient sur les tombes. Pourquoi? Pour penser à ces gens-là, pour avoir des souvenirs. Et on l'a dit, on a donné des textes sur ça et tout. On a dit que c'est évoqué dans le Bukhari, que Ibn Abbas, il a parlé de ça, il a dit que c'était des gens pieux qu'ils vénéraient au début. Que ces idoles-là, ils représentaient des gens qui sont pieux. Dans l'explication du verset de Surat Nuh. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. C'est ça, le verset, où est-ce qu'il est? De toute façon, le verset, c'est dans Surat Nuh. Ils ont dit, ne laissez pas vos divinités, ne laissez pas Yahous ou Yahouk, n'abandonnez jamais vos divinités, et n'abandonnez jamais Wad, Soua, Yahous, Yahouk et Nasser. Donc ça, c'est des noms de gens pieux. Et donc, dans l'explication du verset, que Ibn Kathir, il a dit, d'après Ibn Jarir, sur ces deux grands mufassirines, deux grands exégètes, il dit d'après Ibn Abbas, entre nous et Adam, il y avait 10 siècles, tout sur une législation de vérité, c'est-à-dire Tawhid. Et les gens ont divergé, alors Allah envoya alors des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Puis il a continué, il a dit, les gens étaient sur la religion de Adam jusqu'à ce que les gens aient adoré les statues. Et Allah envoya Nuh alayhi salam, qui était le premier Rasoul, le premier prophète qu'Allah a envoyé aux gens sur la terre. donc messager, c'est ça? Et on a dit que dans le Sahih d'Ibn Abbas, l'interprétation de ce verset, ils ont dit n'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Wadi Waswa, Yahoud, Yahouk et Nasr. Il a dit Ibn Abbas, radiallahu anhu, ce sont les noms d'hommes vertueux du peuple de Noé. Hein? Remarquez bien, vertueux. Lorsqu'ils périrent, le démon inspira à leur peuple dresser des idoles aux endroits où ils s'installèrent. Ils leur donnèrent les noms de ces hommes. Ils s'exécutèrent, mais les idoles ne purent pas adorer. Lorsque ceux-ci périrent, c'est-à-dire la génération après, et le savoir fut oublié, ces statues furent adorées. C'est le savoir, la haine. Quand vraiment l'ignorance elle se propage, ça y est, c'est grave. Quand les gens ils ne consultent plus les savants, ils s'égarent. Et donc, j'ai dit que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit qu'au début, ils les vénèrent, puis après, ils se sont installés à côté de leur tombe pour avoir le souvenir. Ils disent ces gens-là, c'est, mashallah, c'est des hommes, c'est des grands savants. Alors c'est un grand souvenir pour nous de rester à côté d'eux et qu'on, quand on fait des péchés, bon, on s'installe là et puis on pense à eux et puis ça nous fortifie, ça nous donne de la foi et tout. Et après, cette génération, il y a des gens qui disent, bon, pourquoi on ne fait pas de statues, hein? Pourquoi on ne fait pas des statues qui sont un modèle pour eux, qui sont un modèle qui représente la personne. Qu'est-ce que ça veut dire la statue? C'est une représentation de l'être humain. Bon, on va faire une statue, cette statue, quand on la voit, bon, ça va nous donner le souvenir de la personne, et puis on va faire beaucoup plus d'efforts que d'habitude, oui, plus d'efforts que d'habitude pour adorer Allah. C'était ça au début. Il n'adorait pas ces statues-là. Mais c'est la génération qui est venue après. C'est la génération qui est venue après. Il a dit, il est impossible que ces gens-là font des statues, ont fait ces statues. Ils ont fait ces statues simplement pour une raison, parce que ces gens-là, ils intercèdent auprès d'Allah. Parce que ces gens-là, c'est pas la statue elle-même, c'est pas la pierre, c'est pas l'argile, mais c'est la personne qui est derrière ça. Il est auprès d'Allah. Il doit ramener l'invocation vers Allah. Donc, eux, grâce à eux, la pluie tombe, grâce à eux, et donc ils commencent à les adorer. D'accord? Ça, c'est le premier shirk. Donc, c'est les premiers qui ont égaré les gens. Hein? C'est le début, la vénération, le relou. Et donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, les prophètes, ils ont barré le chemin vers le shirk. Donc, ils ont barré tout ça. La vénération ne doit pas dépasser la mesure dans la vénération. Le professeur Akhlef a dit non, faut pas dépasser la mesure. Même lui-même, il a dit non. Faut pas me, comme dans le hadith, la tutaruni kama atarat il yahoud, kama atarat il nasar al masih ibn Maryam, innama ana abdullah wa rasuluh. Donc, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ne me vantez pas comme les chrétiens ont vanté le fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur, dites le serviteur d'Allah et son messager. Donc il a barré cette route, il l'a barré, ne dépassez pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il l'a dit, hein? Ya ahl al-kitab, la tughlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq, innama al-masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min fa'aminu billahi wa rasulih wa la taqulu thalatha. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit aux gens du livre, ne dépassez pas les mesures ou n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas quoi. Ce fait serait meilleur pour vous. Donc, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont vénéré, dépassé la mesure, ils ont dit, il est le plus proche des prophètes. Puis après, ils ont dit, il est le fils de Dieu. Et puis après, c'est le troisième. Hein? Ils ont dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit, mais ils forment un. Les trois, ils forment un. Hein? C'est la c'est la même doctrine qu'ont finalement hérité les soufis, hein. Les trois, ils forment un. Les trois, ils sont amour, hein. Aqidat al-Fana. Ah, voilà. Hein? Donc, faut faire gaffe. Donc, il a barré cette, la première chose. Pas de dépassement de mesure. Hein? D'accord? Et donc, Anas, radiallahu anhu, il rapporte que des gens lui ont dit au prophète, messager d'Allah, tu es le meilleur d'entre nous, le fils du meilleur d'entre nous. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu aux gens, dites ce que vous devez dire, ne soyez pas tentés par le démon, je suis Muhammad, le serviteur d'Allah et son messager, je n'aime pas que vous me léviez au-dessus du degré qu'Allah Tout-Puissant m'a assigné. Donc ça, c'est pour barrer l'arme. Hein? Mais les gens, ils ont fait le contraire de ce qu'il a dit. Vraiment le contraire. Hein? Ils l'ont égalé avec Allah dans beaucoup de choses. Ils ont dit qu'il connaît l'invisible. Ils ont dit qu'il reçoit nos invocations. Et dans des poèmes, dans le bordel, dans des livres comme ça, tu vas lire des poèmes sur lui. C'est grave ce qu'ils ont dit. Ils ont fait le contraire de ce qu'il a, de ce qu'il nous a déconseillé. Hein? Il y a un poète, il dit « وَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عِلْمِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ » Il a dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce que tu donnes, tu peux, c'est-à-dire de tes œuvres, ce qui fait partie de tes bonnes œuvres, c'est toute la dunya et l'au-delà. C'est-à-dire, ça n'appartient qu'à Allah. Lui, il a dit que ça fait juste une partie de il a dit, et de ta connaissance, tu connais le ghaib, ilmu al-lawh, tu connais ce qui est dans l'lawh. Ce qui est caché dans le tableau, comment on appelle ça? La table gardée. Que seul Allah il connaît, il l'a gardé lui-même. Lui, il a attribué ça au prophète. Il a dit que le prophète, il connaît ça. Le prophète, il a dit, n'exagérez pas, regarde où ils sont tombés. Regarde les gens où ils sont tombés. Ils vont chez Satan, ils s'essuyaient comme ça, ils l'invoquent et tout. Ce qu'il a vraiment déconseillé, lui, eux, ils sont tombés dans ça. La première chose, on a dit, il a déconseillé qu'on le vénère. La deuxième chose, c'est quoi? Ibn al-Qayyim, il a dit, le deuxième. Pourquoi on a parlé? Parce que tout ça, ça pousse vers le shirk, vers l'association. La deuxième chose, c'est s'installer sur les tombes. D'accord? Donc, Abu Huraira, radiallahu anhu, il a dit, le messager d'Allah a dit, il est préférable à l'un de vous de s'asseoir sur une braise qui lui brûle ses vêtements pour arriver à sa peau que de s'asseoir sur une tombe. Muslim. Il a dit, il est préférable de l'un de vous de s'asseoir sur une braise qui brûle ses vêtements pour arriver à sa peau que de s'asseoir sur une tombe. À côté de s'asseoir sur une tombe. Ouais. Et il a dit aussi que la terre entière est un lieu pour faire la prière à l'exception du cimetière et des lieux des anges. Enfin, hammam, hein? Hammam, ouais. Ouais. Donc, toute la terre, elle est... On peut faire al-ard kulla masjid illa al-maqbaratu al-hammam. Donc c'est un hadith rapporté par Ahmed, il est authentique, il a été authentifié par Ahmed Shakir, par Cheikh Albani. Hein? Il y a un autre hadith. Kenaz ibn al-Hussein, il rapporte, j'ai entendu le messager d'Allah dire, ne priez pas en vous dirigeant vers les tombes et ne vous asseyez pas sur elles. Ça, muslim. Donc toute prière, pas de prière à côté des tombes ni dans la direction. La tusallu ila al-qaburi wa la tajlisu alayha. On barre la route du shirk. Tout ce qui est en bas. Toute terre, et tu peux faire la prière dans n'importe quel endroit de la terre, sauf cimetière, Et le hammam, c'est la salle de prière dans les cimetières des fois. Oui, il y a des problèmes, il y a des grands problèmes. Donc, c'est clair. Pas dans le hammam, il a dit, c'est dans les bains, quoi. Dans les bains. Parce qu'il est saleté, parce qu'il y a... Donc, pourquoi ça? Pourquoi ne pas faire la prière après des mosquées? Pourquoi? Pourquoi ne pas faire la prière près des tombes? À côté de la tombe, pourquoi? Tu vas faire la prière pour Allah. La tombe est à côté de toi, la tombe est à toi. Pourquoi? Non, Allah, il ne veut pas que, justement, même si tu fais la prière pour lui à côté du tombe, il dit non. Parce que tu ressembles, en fin de compte, à un mushrik. Tu ressembles à celui qui fait la prière pour la tombe. Il invoque la tombe elle-même. Donc, dégage, il te dit, dégage de là. Fais la prière ailleurs, pas à côté de la tombe. Même si tu ne te diriges pas, même si tu la laisses derrière toi, tu t'éloignes. Il y a des gens qui disent non, c'est parce qu'il y a des cadavres, et cadavres c'est najasa, mais pas du tout. Il y a le stihal, parce que de toute façon le corps il se transforme, il est désagrégé, puis après ça y est, il n'a plus d'odeur, il n'y a rien. La raison c'est pas ça. La raison c'est qu'on dit non ulama, c'est que ça pousse vers le shirk. Tu fais la prière, la tombée est à côté de toi, les gens vont voir, c'est un homme vertueux, là, c'est un homme qui va intercéder auprès d'Allah. Donc on va nous aussi l'invoquer, faire la prière. Donc ça c'est le deuxième chemin. C'est le deuxième chemin pareil, qui pousse vers le shirk. Vous avez remarqué que finalement les choses, le shirk ne change pas. De Noach jusqu'à maintenant, c'est les mêmes, seulement les vêtements ils ont changé, et puis il y a des choses qui ont changé, mais le shirk il est resté le même. Troisièmement, interdiction de bâtir sur les tombes. Qu'est-ce qu'ils ont fait les mushriks? Qu'est-ce qu'ils ont fait ceux de la génération qui était avant Noach alayhi salam? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des statues qui représentent qui? C'est pas de la terre, ils n'ont pas invoqué la terre. Ils n'ont pas invoqué... Il n'y a pas un associateur qui va dire, voilà, je m'attends à ce que cette statue me donne quelque chose. Non! Mais cette statue, elle est la représentation de l'homme vertueux qui est le plus proche d'Allah et qui va me ramener, je ne sais pas, il va faire pleuvoir, il va me donner le rizq et tout. Donc, barrer la route comme bâtisse sur les tombes. Regardez ça, c'est... Les conseils qu'a donné Rasulallah, quand il ne reste pas beaucoup, c'est-à-dire pour mourir, il disait ça. C'est des hadiths avant, c'est-à-dire les derniers jours du prophète Rasulallah. Il est cité dans le Sahih al-Bukhari, d'après Aïcha. Ça, c'est le premier hadith. Comme Moussalama a parlé au messager d'Allah, qu'Allah le bénisse, sallallahu alayhi wa sallam, d'une église qu'elle avait vue en Abyssinie et des peintures qui s'y trouvait, enfin peinture, architecture finalement. Il lui dit, il lui dit, lorsqu'un homme vertueux ou un serviteur vertueux meurt chez ce peuple, il construit sur sa tombe une mosquée ou un oratoire et ils mettent les peintures. Ils sont les créatures les plus vicieuses auprès d'Allah, les plus basses auprès d'Allah. Alors ils ne regardent même pas ces gens-là. Pourquoi ils ne regardent pas? Pourquoi? Ils ont juste construit sur une tombe. Qu'est-ce qu'ils ont fait de grave? Ils ont embelli, ils ont fait un décor avec des peintures, c'est beau à voir et tout. Même Om Salama, il a dit, il est belle, c'est ce qu'ils ont fait. Et le prophète l'a dit, ce qu'ils ont fait, c'est grave. C'est très grave, c'est les créatures les plus basses. Pourquoi? Pourquoi c'est les créatures les plus négligées? C'est Shirar al-Khalq, en arabe. Shirar al-Khalq et Yom al-Qiyam. Pourquoi ils veulent les négliger? Pourquoi? Ils n'ont fait qu'un décor plus beau parce qu'il y avait un homme vertueux. Non, parce qu'ils ont poussé les gens. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont finalement adoré ces tombes-là. Ils ont adoré ces tombes-là. Et Allah, ça, il ne le pardonne pas. Il a dit, seul moi qui est digne d'invocation. Invoquez-moi, j'exauce ce que vous demandez, vos vœux. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِكَ ceux qui se vantent ou qui ne veulent pas m'adorer, je vais les jeter dans l'enfer. Donc, invocation égale. Et ce qui dérange, c'est se vanter. Ça coûte pour la vanité. Voilà. Ils ne veulent pas se rabaisser devant Allah, se prosterner devant Allah. C'est ça quand tu demandes à un monsieur. Donc, c'est ça que je me dis, c'est ça que je me dis. Donc, problème, c'est ça. Adoration égale invocation. Hein? Allah, il a appelé salat, il a appelé invocation finale. Dua. Déjà, salat, c'est dua finale. Depuis que tu commences jusqu'à la fin, c'est dua. Surat al-Fatiha, c'est quoi? C'est une invocation. Ihdina sirat al-mustaqim. Ihdina sirat, c'est-à-dire, guide-nous vers le droit chemin. C'est quoi ça? C'est dua, ça. Dans ce jour, c'est dua. Le tahiyyat aussi. Tu enlèves ça, Allah, il est digne d'invocation, tu l'adresses à une tombe, à un homme, quoi qu'il soit, mort en plus. Donc, il a dit, lui a expliqué, lorsqu'un homme vertueux ou un serviteur vertueux meurt chez ce peuple, il construit sur sa tombe une mosquée et il met les peintures, ils sont les créatures les plus vicieuses auprès d'Allah. Hein? Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit ils ont joué deux tentations, celle des tombes et celle des statues. C'est-à-dire, ils ont construit et ils ont fait les décors. La même chose, l'église ou bâture, ce qu'on appelle le qibab, les dômes, les adrahas, c'est pareil, c'est la même. C'est la même chose. C'est le même shirk. Comme Noah, c'est le même shirk. Et donc les statues, c'est pareil. Mais on va, c'est-à-dire, après on va... Ça va s'éclaircir encore de plus en plus. Donc, Umm Salama, c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était en Abyssinie, elle était dans le Habasha, parce qu'elle a fait des... Elle a immigré vers l'Abyssinie, hein, quand vraiment les coupards, ils ont serré les taux contre les musulmans, et il y en a qui n'ont pas tenu. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il les a autorisés. La première migration, hein, c'est vers l'Abyssinie, c'est la première fitna. Et il a immigré avec son mari, Umm Salama. Et quand ils sont revenus, la deuxième immigration, il a pas pu faire l'hijra avec Rasoul. Il a été coincé à la Mecque. Umm Salama, oui. Mais donc, dans la fin qui a rapporté beaucoup de hadiths. Aïcha, oui, bien sûr. Et pourquoi les autres? Attends, ça c'est un autre sujet après. Okay. Donc, là, Aïcha radiallahu anha, anna Umm Salama, qu'ait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, indama kanat fil Habasha, l'anna ra'at kanisa, wa fiha tasawir, wa hakat lahu an husni hadhihi tasawir, li parli de la beauté de sa vie. De ses peintures, et Rasulullah sallam il a dit Oulaïka, il a mis un peu de rajoul salih, benou alayhi, benou ala qabrihi, wa ja'adou fiya tilka tasawir, Oulaïka sharul khalqi, yom al qiyam. Et le deuxième hadith, lorsque le messager d'Allah fut à l'article de sa mort, de la mort, il mit un tissu sur son visage, et à chaque fois que à chaque fois que le morceau de tissu l'étouffe, il l'enlève et dit la malédiction d'Allah sur les juifs et les chrétiens qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme des mosquées. Donc ça c'est les derniers jours. Il mettait un tissu, Khamisa, c'est un tissu avec des décors. Et il le mettait comme ça. Hatta idartan, dans le hadith, Hatta idartan, il étouffe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était les derniers jours. Il lève et il dit La'natullahi ala al-Yahudi wa al-Nasara. Ittakhadu quboura anbiya'ihim masajid. Tu te rends compte, ça c'est quand une personne il est près de la mort et quand il dit quelque chose, c'est des testaments, hein, c'est apprendre. Hein? La malédiction sur les juifs et les chrétiens qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme des mosquées. malédiction, les derniers jours. Hein, Isha, il a dit, à titre de mise en garde contre ce qu'ils ont commis, Isha, il a expliqué, c'est-à-dire mise en garde pour combattre, pour pas combattre sur sa tombe. Et donc, tous ceux qui ont fait la prière à côté de cette tombe, c'est comme s'ils l'ont prise comme mosquée. Ça, c'est... Et Ibn Taymiyyah, il a dit, mais si l'homme effectue la prière sur cette tombe avec l'intention d'obtenir la bénédiction de l'endroit, il a dit, ici, c'est la tombe. Ça, c'est un prophète. Et puis, cette terre, il est béni de cette terre. Et il est béni finalement parce qu'il y a la tombe à côté. Je vais faire la prière pour Allah. Les gens, ils ont combien de hasana? S'ils ont 70, moi, peut-être 70 000. C'est une terre bénite, finalement. Il y a la tombe des prophètes, là. Il y a la tombe à côté. Là, regarde. Il a dit, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, mais si l'homme effectue la prière sur cette tombe avec l'intention d'obtenir la bénédiction de l'endroit par la prière, il serait en train de défier Allah et son messager, contredire sa religion et inventer une religion sans la permission divine. Les musulmans ont unanimement, les grands ulama, ils ont unanimement agréé ce qu'ils ont su par nécessité de la religion du messager d'Allah, que la prière sur les tombes est interdite et que le messager d'Allah a maudit celui qui la considère comme mosquée. C'est clair, unanime. C'est unanime ça. Malik, Ahmed, Shafi'i, Abu Hanifa, Talamir. Si vous allez lire ce qu'a dit Shafi'i là-dessus, c'est. Il a dit, n'élevez même pas un petit niveau sur la tombe. Rien. Regarde, Ahbash qui sont ses élèves, ils disent, nous on suit Imam Shafi'i. Imam Shafi'i dit, n'élevez pas au-dessus de la tombe. Seule la terre avec quoi vous avez le déblé. Que vous avez débris, vous le rendez. Claude. Ah, Baptiste, Abraha, Masha'Allah. Malik, rapporte. Dans son Mouata. Dans son Mouata, Imam Malik, hein, Imam Moudar al-Iza. Dans son Mouata, que le messager d'Allah a dit, Seigneur, ne transforme pas ma tombe en idole adorée. Hein? Seigneur, ne transforme pas ma tombe en idole adorée. La colère d'Allah s'agrandit sur un peuple qui prie les tombes de leurs prophètes en lieu de prière. Hadith Sahih, ça c'est un hadith Sahih, il a été dit par Imam, il a été rapporté par Imam Malik. Hein? La taj'al qabri watanan yu'adat. Ishtadda ghadabullahi ala qawmin ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مثل سنيور نكرسهم فما تنظن دولا دوري regardez le prophète comme il va قوم نوح comme je vous ai dit sur le peuple de Noah idole. La colère d'Allah s'agrandit sur un peuple qui prie les tombes de leurs prophètes en lieu de prière. Le prophète sur la salle il dit ça, ne transforme pas ma tombe. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait de Isa ibn Maryam, de Jésus, Isa. Hein? La tête, là, le roi Paul, qui a transformé la religion de Isa, de Jésus. Hein? C'est lui qui a fait les idoles, la croix et tout ça. Les églises, bâtisses et tout. Hein? Tout ça, la tête de l'égarement. Ça existe depuis le peuple de Noé. Après, je vais finir après. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah a dit, ne transformez pas vos maisons en tombes, ni ma tombe en un lieu de visite. Priez pour moi, car vos prières me sont transmises là où vous trouvez. Ça, c'est un autre hadith, hein, qu'Abu Huraira a rapporté. Abu Huraira a dit, لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. D'accord ? Notre sommet, pas vos maisons en tombe, ni ma tombe, en a lieu de visite ou de fête pour célébrer. Et priez pour moi, car vos prières me sont transmises là où vous vous trouvez. Hein ? Ne transformez pas vos maisons en tombes. Pourquoi ? Parce que l'endroit où il y a les tombes, on ne fait pas la prière. Il n'y a pas d'invocation. On ne lit pas le Coran. Parce que vous, si vous ne faites pas la prière chez vous dans vos maisons, si vous n'invoquez pas Allah, si vous ne lisez pas, si vous ne lisez pas le Coran, ça veut dire que votre maison, elle est comme la cimetière. C'est comme une cimetière. Donc, il faut lire chez vous. Il faut lire, il faut faire la prière chez vous. Faire prière chez vous. Il faut lire le Coran chez vous. Parce qu'à côté de la tombe, on ne le fait pas. Il n'y a pas de lecture de Coran à côté de la tombe. Il n'y a pas de lecture. Et les hadiths là-dessus, c'est des hadiths faibles. La lecture de Surat Yassin. Hadith da'if. Faible. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit ne transformez pas vos maisons en temple, continuez à y prier, c'est-à-dire dans vos maisons, invoquez Allah et lisez le Coran dans vos maisons, sinon elles deviendront comme des temples. Hadith da'if, là, quoi. Hadith da'if. Pour le mort. Tu n'y pas sur la pièce sur la tombe. Tous les hadiths qui parlent de la lecture de Coran sur le... Attention, sur la tombe et aussi quand il meurt. Surat al-Baqara, lire surat al-Vache. Il n'y a pas de hadith authentique là-dessus. Claro. Il l'a lu dans la vie, c'est la vie. C'est quand, pendant qu'il est vivant, pendant qu'il peut bouger, qu'il peut lire. Mais là, claro, qu'est-ce que tu vas lire sur lui? Donc Muslim rapporte Kabou al-Hayyaj al-Asdi, ça c'est un grand hadith, ça c'est très important. Ali radiallahu anhu, il a dit à cette personne, Abu Hayyaj al-Asdi, veux-tu que je te recommande ce que le messager d'Allah m'a recommandé? Voilà la question. Il a dit, veux-tu que je te recommande ce que le messager d'Allah m'a recommandé? Fait disparaître toute image, aplanie toute tombe protubérante. Ala ab'atuka illa ila ma ba'athani bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alla tada'a suratan illa tamastaha, wa la tada'a qadran mushrifan illa sawwaita. Parce qu'il ne faut pas bâtir sur la tombe. Ça c'est Ali, c'est Ahl al-Bayt. Regarde les chiites, ce qu'ils ont fait de sa génération, de ses enfants, les Ubaydiyoun. En Égypte, ils ont bâti une grande mosquée sur la tombe de Hussein, sur ses enfants. Parce que le prophète, il a interdit. Ali, le sahabi, le compagnon du prophète, il a interdit. Lui-même, c'est lui qui rapporte ce hadith. Il a dit, le prophète, il m'a dit. Voilà, fait disparaître toute image et aplanit toute tombe protubérante. C'est protégé le prophète, alors, au sens de la... En demandant à Allah la protection. Pas que ça lui arrive, ça, comme Isa et tout. Oui, alhamdoulilah, oui. Non, mais c'est par pour déconseiller sa communauté de venir, de faire ça. Mais les gens, ils font... Il n'est pas responsable. Oui, il n'est pas responsable, même les autres, même Isa, alayhi salam, même tous les gens vertueux, tous les prophètes, les autres prophètes. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est parce qu'on dit pas. C'est l'ignorance. Voilà. Donc, j'ai dit, pas de vénération des gens vertueux, ce qui s'est passé dans Qaum Nuh, la communauté de Nuh, ou s'installer à côté sur les tombes, parce que c'est très déconseillé, et bâtir sur les tombes, interdit de bâtir sur les tombes, il ne faut pas élever, même nous, c'est-à-dire ça, c'est valable pour nous. Si la personne a le temps même de faire un testament, d'écrire ça, ne bâtissez pas sur ma tombe. Mettez de la terre, juste comme ça, un morceau pour que ça paraît... Hein? Non, pas de... Pas de... Pas... Ou Allah ou Jassas. la soue, là, le calcaire, le voilà. La soue, la soue. Oui, la peinture. La peinture blanche, pas de peinture blanche. Rien, il y a hadith là-dessus qui déconseille, pas de peinture blanche. Juste comme ça, de Moussana. La terre qui est sortie, elle est nivelée. Nivelée, voilà. Faut pas l'élever. Hein? C'est que tu ressembles au coupable. Là, tu touches autre chose. Parce qu'Allah, il a dit qu'il faut être différent de ces gens-là. Alors, eux, ils vénèrent leur tombe, ils mettent des fleurs. Et pourquoi les nôtres, ils ont mis des fleurs, finalement, ils mettent des... Parce qu'ils se basent sur un hadith, que le Rasulallah, il est passé par deux tombes. Il est passé que les gens de ces deux tombes, ils souffraient. Ils souffraient de... Il a dit, « Non, ma yu'azzaban, wa ma yu'azzaban, fi kabir, ou fi kathir, wallahu a'lam. » ما أحده ما بينه يبكي بالنميمة بين الناس وأما الآخر لا يستبرئ من بوله ولا يستنزه donc il a regardé ces deux musulmans enfin le hadith c'est deux musulmans qui sont sous la tombe et le prophète il est passé à côté d'eux il a dit ces deux gens là ils subissaient le châtiment de la tombe pourquoi parce que un il faisait la médisance et puis l'autre, c'est-à-dire il ne s'essuyait pas quand il urinait. Donc, c'est-à-dire il subissait le châtiment de la tombe pour des choses que nous, on néglige d'habitude. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un morceau, c'est une tige d'une plante, jaride, ou jarida en angara, et puis il a coupé comme ça. En deux, mais verticalement comme ça. Et puis il a enraciné là, il a enraciné là, dans les deux tombes. Il a dit... Là, ça va un peu calmer le châtiment. Hein? Tant que ces deux branches, de petites branches, sont humides. Mais les gens, comment ils ont réfléchi? Ils ont dit que tant que ces branches sont humides, il n'y aura pas beaucoup de châtiment. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des plantes, des arbres, ils ont raciné des arbres. Et, et puis ils ont dit exactement à une plante, c'était en Égypte et tout, c'est le khos. Pas quelque chose qui a besoin d'eau, une plante qui demande beaucoup d'eau. Elle a dit ça va calmer le châtiment. Mais il y a un autre hadith, il a dit par moi, grâce à mon intercession, Bishafa'ati. Il a dit c'est moi qui vais intercéder. Le prophète il dit c'est moi qui vais intercéder auprès d'eux, tant que ces deux bâtons sont humides. Donc ça c'est grâce de Rasulallah. Il est spécial le prophète. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ressemblé au koufar. Bon, on met des plantes et tout. Et puis, des fois, ils ramènent même trucs artificiels, gadir. Ils ramènent des fleurs artificielles, mettent sur le son. La princesse Diana, avec les plantes et tout ça. Tout ça, c'est ressembler au koufar. Hein? Nous, on est loin de là. On est loin de pas d'image, pas de protubérance sur la tombe, rien. Hein, simple là. C'est halam de mettre une semelle autour de la tombe, faut pas marcher sur le mort. C'est-à-dire, la tombe, elle doit être protubérante et elle doit ressembler à une tombe. C'est-à-dire, pas de la terre comme ça, les gens vont marcher dessus sans savoir. Il faut être distinct, hein. Oui. Il y en a droit de mettre un truc autour pour faire comme ça. Oui. C'est-à-dire, oui, des chiens comme ça. Yusannam, en langue arabe, ils disent Yusannam, Sanam, le chamou, la bosse du dos, voilà, la bosse, comme ça, Yusannam, Yusannam, hein, d'accord, petite dune, quoi, ouais, petite dune, comme ça. Donc, j'ai la façon, j'ai dit, bon, Imam Shokan, il a dit élever les temples plus que ce qui est autorisé est interdit, hein, élever les temples plus qu'il est autorisé puisque la normale est interdite et beaucoup de savants l'ont dit, les élèves de l'imam Ahmed et le Jama'a, un groupe, et puis l'imam Shafi'i et l'imam Malik. Et surtout, bah, les Shafi'i dans les... les malikites, ils disent malikites, ils le contredisent. Ils bâtissent sur les tombes. Ah, moi je suis malikite. Il a interdit que tu fasses ça. Subhanallah. Donc Ibn al-Qayyim, il a dit, celui qui réunit la sunna du messager au sujet des tombes, ses ordres et ses interdictions et les coutumes courantes actuellement verra des contradictions. Ça c'est Ibn al-Qayyim à son époque. Ça fait déjà 7 siècles. 7 siècles passés qu'il dit ça. Alors à notre époque, il va être... Il continue de dire, il dit, le messager d'Allah interdit la prière aux tombes lorsque les hommes y célèbrent la prière et leur adresse et les leur adresse. C'est-à-dire, il adresse la prière vers cette tombe-là. Donc le messager, il interdit la prière à côté des tombes. Il interdit les gens qui font... Et donc, l'imam Malik, il a dit, il n'aime pas le mot Azor au Khabar al-Nabi. Il n'aime pas. J'ai visité la tombe du prophète. Il n'accepte pas ce nom. Cette phrase, il n'accepte pas. Ça n'existe pas pour lui. Il a dit, tu rentres dans la mosquée, tu dis Salam alayka ayyuhan nabi. Rien que ça. Tu ne précises pas. Tu ne dis pas, bon, je vais voir la tombe du prophète. Il dit, je n'accepte pas ça. Même la phrase, cette phrase, il n'accepte pas. D'accord? Il interdit de les considérer comme oratoires. Mais ils construisent des mosquées dessus. Les gens, ils construisent quand même. Il interdit de les éclairer par des bougies, mais personne n'obéit. Il interdit de les prendre comme lieu de fête, mais en fait, ils sont en train de les considérer comme lieu de visite et de fête. C'est le contraire de... C'est vraiment le contraire de ce qu'a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour la tombe du prophète, c'est spécial là-bas. Oui, ça c'est un sujet assez. Il y a un livre, il y a Tahdir al-Sajid, le Cheikh Albani, et puis lui il va à fond là-dessus. Cheikh Albani dit même que c'est la sunna, quoi. L'église est pour faire des décors, elle ne dit pas d'architecture dans les mosquées, pas d'architecture. Lui-même, il dit non. Les trucs sur terre, Zakar, les architectures, les décors, les dessins, il ne laisse pas, parce qu'il ne laisse pas la personne faire la prière tranquille. Le prophète, un jour, il faisait la prière avec un Khamis, il y avait des décors. Khamis avait un Alam, il avait des décors dans le. Il a dit, il m'a gêné dans la prière, enlevez, changez-moi ça. Ramenez-moi un autre vêtement. Ça, il me dérangeait. Juste des décors. C'est un vêtement ? C'est pas un vêtement ? Non, il le portait. Khamis, ça. Il le portait. Hein ? Khamis, ça, c'est tout ce qui, normalement, c'est-à-dire simple. La mosquée doit être simple. Pas de décor, pas rien qui puisse gêner la personne. La même Ibn Abbas, il a dit que vous allez. Il y a un hadith aussi qui dit que. C'est-à-dire le jour dernier, il ne va venir que si les gens vont se vanter, vont s'enorgueillir par les mosquées. Ce conquérant, ils vont dire ma mosquée est mieux que de... Regardez le minaret, il est très beau, le décor et tout. Mais les cœurs, rien du tout. Nul. Des bons mosquées, tu rentres, t'es ébahi, rien. Et on est sous les koufars. Et maintenant, c'est les koufars qui construisent. C'est les koufars qui font l'architecture maintenant. C'est les koufars qui te font le décor chez toi. Hein? La mosquée du professeur, on savait comment il était. Subhanallah. Donc tous ces décors-là, ça n'existe pas. Tu disais qu'on n'avait pas le droit de faire la prière à côté du tombe. Ouais. Mais à la part de mon père, on avait tous fait la prière à côté de... Ça c'est la prière de Janaza. La prière du mort. C'est pas dans le cimetière. Côté Bordeaux. Hein? C'est pas mal. Il est précisé que le professeur Hassan, il a fait la prière salat de janaza sur une tombe. La tombe de la dame qui était une vieille qui enlevait les trucs là, qui nettoyait la mosquée, et puis elle est morte, et puis le professeur Hassan, il a pas fait, on n'a pas appelé le professeur Hassan pour faire la prière pour elle. Et puis ce n'est qu'après qu'il a été au courant, puis il est parti, il a fait la prière sur sa tombe. Ça, c'est des cas spéciaux. Hein? Et pour la prière de la prière, normalement, hein. Nous sommes dans le colis de sa génération. Tout ça, c'est des choses qui poussent vers le chef, finalement. C'est les mêmes choses qui étaient avant. On fait une statue. Pourquoi? Pour vénérer Al-Lat à la Mecque. Ara'aytum Al-Lati wal-Uzza wa manat al-thalithat al-ukhra. Alakum al-dhakar wal-un. Al-Lat, c'était quoi en fait? C'était une statue, mais qui représente un être vivant finalement. Se représente. Quelqu'un qui accueille les gens et tout, il leur donne à manger, il donne du miel et tout. Et tous ces noms-là, Al-Uzza, c'est un dérivé du nom de l'Aziz. Ouais. Al-Uzza, c'est une femme. Et c'était bon, de toute façon, après Qaum Nouh, il y avait le cirque d'Ibrahim, il y a différentes sortes de cirques et tout. Et puis les statues, ces statues-là, qui étaient chez le peuple de Noé, ils étaient chez les Arabes. Ils l'ont amené chez les Arabes. Et puis Amr ibn Luhay, Khuzai, c'est lui qui a changé la religion d'Ibrahim alayhi salam. C'est dans le Sahih aussi. Il a emprunté une statue. Il était chez en Syrie, à Shem. Il a ramené la statue là. Ça, il a poussé les gens à faire l'adoration. Là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sur cette personne, il a dit qu'il traînait ses tripes dans l'enfer. A vu les têtes de l'égarement. Allah il a voulu que, de toute façon, depuis qu'Allah il a créé Adam, il y avait le conflit entre Adam et Iblis. Il n'a pas voulu se prosterner. Et toujours il y avait ce conflit. Toujours le conflit. Toujours il y avait des têtes qui égaraient les gens. Puis Allah il envoyait des prophètes. Puis maintenant c'est les mêmes choses. Hein? Après le prophète sallam, il a détruit ses statues. Et puis il les rawafet. Le Abdullah ibn Sabah, le Yahoudi, le juif là, qui a poussé les gens à dire à Ali, ils disent vous êtes un ilah, vous êtes ilah, vous êtes un dieu, divinité, ouais. ils l'ont dit à Ali, puis Ali il a creusé les tranchées, il a allumé le feu, il les a jetés dans le feu. Et c'était fait lui-là la tête de tout ce qui est les sectes maintenant. Ismaïliya, Al-Alawiya, Al-Baghaniya, Al-Qaramita, c'était tous, ils font partie de ce juif, parce qu'il a voulu faire pareil, il a voulu faire le roi Paul pour la religion des chrétiens. Il l'a transformé, il les a sortis des mosquées et les a rentrés dans des églises et baptistes. Lui, il a voulu sortir les gens de la mosquée et construire des danses sur les tombes du prophète, la tombe de Al-Bayt et tout. Ils l'ont suivi, il les a traînés comme ça par les oreilles, ils l'ont suivi. Jusqu'à maintenant, sa graine, il reste. Les chiites et tout. Enfin, les chiites, les soufis. Ouais. Et tout ça. Trousse. Hein? Voilà. Les divinités, les machaïds, les abraha, tout ça, c'est des églises en fin de compte. Hein? Les Toroqiya, les Tijaniya et tout ça, ça n'a rien à voir avec l'islam, ça. Ça rien avec. Donc, on a dit vénération, pas de dépassement de mesure dans la vénération. Le relou. Deuxième chose, installation sur les tombes. Hein? L'adoration d'Allah près des tombes. Troisième chose, bâtir sur les tombes. Quatrième chose, c'est quoi? La quatrième qui a été l'origine finalement de cette croix, qui a poussé les gens à finalement adorer autre qu'Allah, invoquer autre Allah. Ça fait partie de... C'est dans l'idolâtrie. De l'idolâtrie. Regardez le hadith, finalement. Tu m'as fait penser, finalement, au hadith. Veux-tu que je te recommande, Ali, veux-tu que je te recommande ce que le messager d'Allah m'a recommandé de faire? Fais disparaître toute image. Mais finalement, l'image, c'est statique. Et aplanie sous tombe. Parce que aplanie sous tombe protubérante. Ça veut dire, mais elle ne décore pas trop. Voilà, aplatir. Aplatir. Hein? Donc, statue, tombe. Pour ça que le Salam l'a dit, l'homme a laissé Jacques Kabri, ouais, c'est un animal, ne rend pas ma tombe comme une idole, comme une statue, ou comme qui va être invoqué, qui va être adoré. Donc, les trois choses, la quatrième chose, c'est quoi? Ibn Abbas, il a parlé de tout ça. Il a insisté sur ça, pour l'explication. Il a dit, tanassakh al-ilm. Le savoir, si oublié. Le savoir, qu'on n'y a plus de ulama. Quand les gens ils suivent des égareurs, il y a un grand hadith qui dit Allah la yaqbidu l'ilma bi qabdi l'ulama. Wa innama yaqbidu l'ilma bi qabdi l'ulama. Inna Allah la yantazi'u l'ilma intiza'an. Fasallahu alim. Inna Allah la yantazi'u l'ilma intiza'an min sudur l'ulama. Wa innama yaqbidu l'ilma bi qabdi l'ulama. حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الله il n'enlève pas la science du cœur des savants. Allah est juste celui qui a souffert à cause de la science. Allah il n'enlève pas la science de son cœur, mais il enlève la science quand il prend le savant. L'âme, quand il prend son âme, quand le savant il meurt, mais il ne le prend pas, Allah est juste, il ne prend pas la science du savant, il prend la science avec la mort du savant. Parce que quand ils sont morts, là, il reste quoi? Il reste jusqu'au moment où il ne reste plus de savant. Quand il n'y a plus de savant, il y a quoi? Il y a des ignorants, les têtes de l'ignorance. Les gens, ils vont demander des gens, des égareurs. Et ces égareurs, ils vont leur faire la patois, ils vont leur expliquer, ils vont leur demander sur ça, ils vont leur répondre sur les choses de la vie, de la religion. Et ils vont les égarer et ils vont eux-mêmes s'égarer. Ça, c'est un hadith authentique. Donc, finalement, l'ignorance, elle est liée à l'association. Quand ceux de la communauté de Noé disent, il est impossible que ces gens-là en fait les statuts que parce qu'ils... parce qu'ils avaient de l'importance chez Allah et qu'ils font pleuvoir et qu'ils intercèdent. Ma'azzama awwaluna ha'ulai illa li'annahum yashfa'unana. Ils disent, c'est impossible que la génération qui est avant nous, ils vénéraient ces gens-là que parce qu'ils savaient que finalement, ils intercèdent auprès d'Allah. Grâce à eux, la pluie est tombe. C'est ce qu'ils disent, la dame nature. Oui. Donc, la science qui est, quand l'ignorance règne jusqu'à notre époque. Avant, Allah il envoyait des prophètes, il y a un égareur qui vient, il détourne les gens, et puis Allah, par sa miséricorde, il envoie des prophètes qui montrent les gens, qui montrent aux gens le droit chemin. Hein? Mais normalement, le cirque, l'association, ça, si la personne sans la révélation, sans sa raison, il ne peut pas invoquer autre qu'Allah. C'est pour ça qu'Allah, il donne des exemples finalement dessinés, qui touchent la raison de l'être humain. Hein? Comme dans le Coran, il dit ضرب الله مثل الرجل في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. Dans Surat Zumar, ils sont dans l'association, comme j'ai dit dans les cours précédents, il a rempli deux pactes, le pacte de l'fitra, de la raison, de l'aql, parce qu'Allah lui a donné des choses instinctives, grâce à il reconnaît son Allah et il a rompu le pacte de la révélation. Hein? Donc la personne qui réfléchit ne peut pas invoquer un truc là. Il ne peut pas se prosterner devant une tombe, il ne peut pas attendre à ce qu'une tombe lui donne ou une statue qui lui donne quelque chose. Ça c'est la raison, ça. C'est vraiment, il doit être, son cerveau il doit le jeter, je ne sais pas. C'est dommage. التي شركاه متشاكسون ورجلا سلما لرجل. Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés, se querellant à son sujet, et un homme appartenant à un seul homme. Sont-ils égaux? Est-ce qu'ils sont égaux? Un homme qui appartient à plusieurs associés. Un homme qui a plusieurs patrons. Et un homme qui a un seul patron. Est-ce qu'ils sont égaux? Est-ce qu'ils sont égaux? Un homme qui a plusieurs. L'autre lui dit, à 9h, tu vas faire cette commission. L'autre lui dit, à 9h, tu vas faire... Tu vas venir chez moi. Et l'autre, il dit, ah, l'aveugle, tu vas faire cette chose. Plusieurs missions en même temps. Plusieurs maîtres. Et se battait pour lui. Et un homme qui obéit à un seul. Et elle a un seul patron. 29. Allah a cité comme parabole. Pourquoi comme parabole? Matalan. Pourquoi il a dit matalan? Parce qu'il s'adresse à qui? Un animal. Il s'adresse à un être vivant, à un être humain. Son père, Adam, il a fait prosterner les anges. Il a fait prosterner les anges à Adam. Pourquoi il lui a donné une âme, il lui a donné un cerveau? Donc il s'adresse à l'être humain, il s'adresse à un être qui réfléchit. Hein? Donc il y a des paraboles. Daraballahu matalan. Hein? رجل فيه شركاء متشاكسون ورجل سلما لرجل هل يستويان؟ الله cite comme parabole un homme appartenant à des associés se querellant à son sujet et un autre homme appartenant à un seul homme. Sont-ils égaux? En exemple, louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. ولكن أكثرهم لا يعلمون. Donc cet exemple-là, qui peut le nier? La personne qui a plusieurs patrons, chacun lui dit fais ça, l'autre lui dit, c'est pas comme celui qui a un seul patron. Donc celui qui invoque Allah, il est direct avec son Allah. Il l'aime, il s'adresse vers lui. Alors que celui qui s'adresse vers cette tombe, il s'adresse vers l'ange, il s'adresse vers cette statue, il s'adresse dans la... Oui, il change de tombe, il y a des gens qui sont... Il donne une spécialité à chaque tombe. Il y a une tombe qui lui donne le rêve, une autre tombe qui lui guérit, une autre, il a plusieurs. Et Allah, tu lui as laissé quoi, Allah? وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اُدْعُونِي. Ce qu'on fait que la vie, en plus de ça, ils sont égarés. Voilà. Comme les Grecs avec leur dieu. Donc c'est la science, finalement. Vous avez vu le chemin qu'on a pris dès le début jusqu'à maintenant? Donc c'est la science. Finalement, c'est la science, c'est quand les gens ils demandent à des égareurs et tout. Et donc j'ai parlé des têtes de l'égarement, des exemples comme Amr ibn Luhay, Khuzai, comme le roi Paul. Comme, de toute façon, il y a un livre là-dessus, Inch'Allah, si on arrive à prendre des petits trucs là-dessus. Hein. La réponse à celui qui a changé la religion du christianisme. Il est bien, hein. Il y a beaucoup de... Et puis parler pour les... Il y a qui encore? Écoutez, suivez-moi. Vous êtes fatigué. Donc les têtes de l'égarement, il existe toujours. Allah, il a voulu que ça soit comme ça. Hein. Abdullah ibn Sabah al-Yahoudi, qui a donné le chérisme, les rawafet après. Et puis les têtes de sectes. Et puis, qui est encore jusqu'à notre époque, hein, l'Harari, Abdallah, l'Harari, Hadashi, c'est aussi l'une des têtes, hein, de l'égarement. Donc, l'Hadashi, il a un cocktail d'innovation. Lui, il est spécial parce que de chaque secte, il a pris une innovation. Il a pris celle du Jahmiya, il a pris de Morgéa, il a pris... il a pris du Mu'tazila, il a pris des chiites, il a pris comme ça, pour égarer, pour casser les gens. C'est une graine juive, ça. C'est impossible qu'un musulman fasse ça. C'est pas donc, les gens, se rendent compte quand les gens ils rentrent pour étudier l'arabe finalement. Apprendre l'arabe, un français, il est né ici, le pauvre, il connaît rien. Apprendre l'arabe. Une heure d'arabe et deux heures de mauvaise doctrine. Deux heures de mensonge. Il rentre pour apprendre Tawhid, il sort avec un collier là, avec truc, comment ils attachent ça. Il s'attend que ça, ça repousse le mal. Et... Ah, tu te rends compte ça. Quand vous savez, les moralisés, ils entendent les livres, des trucs comme ça, des choubouhès, pour négarer. Ils rentrent pour apprendre l'islam, ils apprennent le coran. Rien que le coran. Destructif, ce qu'ils font. Et normalement, là, j'ai voulu répondre à leur choubouhès, à leur mensonge, mais il faut des livres et des livres pour ça, finalement. Il y a des gens qui ont répondu, mais Inch'Allah, j'ai préparé un truc pour eux. C'est pour ça que je me suis exercé sur ça, sur l'invocation des morts. On a cru que finalement le problème de l'association, c'est qui intéresse les jeunes, c'est l'association dans Tachariya, dans la législation et tout. Mais finalement, ça aussi, hein, parce que je vois moi des gens de 20 ans, 19 ans, ils sont tombés dans l'association de l'invocation. Il dit, Allah, il dit que le fait d'invoquer des tombes, il est autorisé. Il te ramène des trucs, des preuves, il te ramène. Oui, il les ramène. Il les ramène. Parce que l'égareur, c'est pas, ils travaillent nuit et jour, les égareurs. C'est pas comme nous, ils travaillent. Donc là on va continuer là-dessus et on va dire de toute façon on va parler d'une chose qui est que eux ils disent de leur soubouhat. Qu'est-ce qu'on a soubouhat, c'est quoi? De ressemblances, des trucs et des troubles, des choses. Ils se basent sur des dalils qui pourraient égarer les gens. Et nous, Inch'Allah, on va en parler de certains de ces choses dont ils se basent, d'accord? Le hadith, il y a, c'est pas seulement hadith d'aïf, hadith. Maudouan, quand même. Donc, dans le problème de l'invocation, on a dit, bon, l'invocation, ils disent par exemple que demander secours à l'Auliya et les gens vertueux, c'est bien. Demander secours aux tombes. Demander secours à une personne, ça existe. C'est normal. Quand il est, toi tu te noies et lui il est à côté de toi, tu lui dis au secours là, parce que lui il peut le faire, il peut t'aider. Mais tu dis à un être humain quelque chose que seul Allah peut faire. Tu peux dire à un être humain qu'il pardonne tes péchés, qu'il efface tes péchés. Dans la vie, tu peux pas. Tu te noies, tu appelles quelqu'un qui est absent. Toi, tu es en France, quelqu'un qui se noie dans la Seine, il appelle quelqu'un en Algérie. Et on dit qu'il n'est pas un être humain. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? D'habitude, on appelle celui qui est autour de nous sur quelque chose, puis lui, il peut faire. Une tombe, qu'est-ce qu'il peut faire? Oui, il y en a quand il y a un document, il met du Coran. Oui, mais ça c'est des innovations, c'est... C'est pour ça que tu disais que c'est la minorité qui fait le nom. C'est le groupe de saints qui dit... Demander secours, par exemple, à un être humain. Ça existe. Okay. Demander à un être humain quelque chose que lui, il ne peut pas. Non, mais de quoi c'est... Ouais, demander ou de l'aider, ça fait partie de l'aide. Les sahaba, ils demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les aider, de faire du'a pour eux. Il est à côté d'eux. Il faut qu'il existe, il faut qu'il soit vivant et il faut qu'il soit à côté de toi. Hein? Il faut qu'il vous réunisse l'espace et le temps. C'est-à-dire, il faut qu'il soit à côté de toi, il faut qu'il soit vivant et qu'il peut, c'est-à-dire que ça fait partie de ce qu'Allah lui a donné comme pouvoir. D'accord? D'accord, les sahaba, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose qu'il lui ne peut pas. Ils lui ont pas donné. Ils lui ont pas. Fais du'a, ils lui ont dit. Hein? Il y a un hadith, je ne l'ai pas traduit. Ah, il y a un hadith. Bien que, on sait que les prophètes, bien sûr, on sait que les prophètes, ils ont fait des miracles. C'est pas eux qui font les miracles, c'est Allah, il leur donne des miracles. Eux, ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas cette volonté. Ils n'ont pas la capacité. Isa ibn Maryam, il ne peut pas revivre les morts, mais il a dit bi'idnillah. Il monte bi'idnillah. Si Allah m'autorise, c'est grâce à Allah que je fais ça. Mais si moi, par ma volonté, je dis je vais revivre celui-là, et je ne peux pas entendre. Il ne peut pas. Le prophète, Allah lui a donné beaucoup de signes, beaucoup de miracles. La lune s'est fondue en deux, chaque al-qamar. Mais lui, est-ce qu'il peut dire à la lune qu'elle se coupe en deux? Il ne peut jamais. Il ne peut jamais. Il attend le signe d'Allah. Il attend qu'Allah lui dise. Les coupables, quand ils s'attendaient à ce qu'il leur montre un signe, ils disent, moi, j'ai pas de signe, moi. J'attends ce qu'Allah me... Donc, les miracles, le fait que l'eau, elle sort des doigts du prophète, mais que c'est pas 70, ils ont fait les ablutions avec un petit bol d'eau. Parce que l'eau, elle sortait du prophète. Ça, c'est un signe. Ça, c'est un miracle. Mais est-ce que lui, il a la volonté de sortir l'eau de Sana? Il ne peut pas. Et donc, la personne qui est venue au prophète, lui a dit, au prophète, il était en train de faire, de prêcher, et il a dit au prophète, halak al-mal wa... faqala ya Rasulallah, halak al-mal wa ja'al iyal, fad'u Allah lana. Il est venu, il a vu le prophète faire une khutba, il lui dit, oh prophète, tous nos biens, ils sont partis, et nos enfants, ils sont dans la famine, fais la invoque Allah pour nous. Ça, c'est autorisé. Tu dis, mon frère, invoque Allah pour moi, qu'il m'aide, ou qu'il me fait sortir de ce bled, ou que je fasse le jihad, ou beaucoup de choses. D'accord? Tu peux, parce qu'il est présent, il est vivant, et qu'il peut faire dua pour toi. Ça, c'est autorisé. La personne, il est venu voir le prophète, il m'a dit, voilà, nos biens se dégradent, nos biens sont en danger, nos familles sont dans la famine, invoque Allah pour nous. Le prophète, il a levé ses mains vers le ciel, il a levé ses mains, et donc, il a invoqué Allah, et il y a des nuages comme des montagnes. Il a fait, et la tombe, la pluie, il est tombé. Donc, lui, il a fait quelque chose qu'il a pu faire. D'accord? Et donc, la même personne, il est venu, c'est un vendredi. La même personne, il est venu le vendredi d'après. Il lui a dit que nos maisons ont été démolies à cause de la pluie. C'est pas arrêté la pluie, que nos maisons. Et que nos biens, ils se sont noyés. Tahattam al-bina wa gharaq al-mal. Fad'u Allah lana, invoque Allah pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a levé les mains, il a dit Allahumma hawalayna wa la alayna. Il a dit que ça soit autour de nous, mais pas sur nous. Et à chaque fois qu'il se dirige vers une partie du ciel, bon, la pluie tombe dans cet endroit-là. C'est-à-dire loin de. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué Allah. Mais si la personne, par exemple, dit au prophète, il lui dit, fais tomber la pluie, ça devient du shirk. Ça n'existe pas. Fais tomber, invoque Allah pour qu'il fasse tomber la pluie. D'accord. Donc, si le prophète, lui, il ne peut pas faire, lui, en personne, il ne peut pas faire des choses que seul Allah peut faire. Seul Allah peut faire. Donc si lui. Alors, qu'en est-il de ceux qui sont dans une position moindre? Les awliya, les chouyours, tout ce qui est. Dans leur vie, c'est dans sa vie, il ne peut pas faire pleuvoir. Dans sa vie, il ne peut pas faire des choses que si Allah lui autorise ou lui donne le pouvoir de le faire. Si lui, donc, après sa mort, pourquoi il demande aux gens de leur donner rizq, de leur donner ce qu'ils ont besoin, de leur donner, de guérir leurs enfants, parce qu'il est stérile, il ne peut pas avoir des enfants, il invoque la tombe. Le prophète, le même cas, il ne peut rien lui faire que de demander à Allah pour lui. Demander à Allah, mais pas demander. Et donc, lui-même, le prophète, il a barré le chemin vers Shirk. Quand la personne le dit, Masha Allah wa shi'at. C'est quoi en français? C'est grâce à toi, grâce à Allah et grâce à toi. Grâce à... Ça dépend, qu'il dise grâce à toi ou c'est... Masha Allah wa shi'at. C'est Allah qui a voulu ou grâce à Allah? C'est Allah qui a voulu et toi aussi. Il a dit, est-ce que tu m'as ressemblé avec Allah? Aja'altani lillahi naddan? tu m'as ressemblé avec Allah, mais dis seulement Allah a voulu. Allah wahda. Qul ma sha Allah wahda. Qul ma sha Allah wahda. Il a barré. Sur ça, Rasulullah, il se met en colère. Mais si quelqu'un lui dit donne-moi rizq, donne-moi ça, ou guéris-moi mon enfant, ça c'est grave ça. Alors lui il a barré ça. Ceux qui sont en position moindre, comment ils peuvent faire? Et s'ils sont morts, comment ils peuvent faire? Comment on va s'attendre d'eux qu'ils donnent des choses? Ils ne peuvent rien donner. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah, c'est des êtres, c'est des êtres vivants, des êtres humains comme vous. Surat Araf, la 5. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني ولا تنظرون. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم sont des serviteurs vous. Sans pareil, pourquoi vous les invoquez? Et pour que la pluie s'arrête sur lui et qu'elle tombe dans les alentours, il a fait. Mais demandez au prophète que lui fasse pleuvoir et que lui fasse arrêter la pluie. Ça, les Sahaba, ils l'ont connu, ils n'ont jamais demandé. D'accord? Donc, si le prophète lui-même ne peut pas faire ça, il ne peut faire qu'invoquer Allah pour lui, alors comment demander à ceux qui sont dans une moindre position? C'est des serviteurs comme vous. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas vous donner, vous guérir ou faire quoi que ce soit. Alors regarde les gens comment ils sont maintenant. Invoquer des tombes, invoquer des... qu'ils les guérissent leurs malades, qu'ils guérissent leurs enfants, qu'ils fassent pleuvoir la pluie, qu'ils fassent des choses. Donc ça c'est un grand problème qu'il a mis. Mais j'ai pas... De toute façon... Personne ne peut te donner quelque chose que seul Allah peut te donner. Comme le hadith, vous connaissez le hadith d'Ibn Abbas, Ihfadillah, Ya Ghulam, Ihfadillah, Ihfadk, Ihfadillah, Tajidu Tujak. Ida ta'alta fas'alillah, wa ta'alta fas'al billah, wa'alam, an law ijtama'at al-ummatu, ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bima kataba Allah ilayk. ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء كتب الله عليك. Donc, finalement, la personne ne peut rien te donner. Elle ne peut rien te donner que ce qu'Allah lui a donné comme pouvoir de le faire. Donc, invoquer une tombe ou invoquer, ça ne donne rien du tout finalement. Mais quel est le problème? Pourquoi la personne il invoque une tombe? On a dit que pourquoi il invoque? C'est qu'il s'attend à ce qu'elle donne. C'est que la personne qui est dans la tombe, il a une position près d'Allah. Il a finalement une position près d'Allah. Donc nous, on a barré le premier chemin. On a dit que déjà, le prophète, pendant son vivant, jamais un sahabi lui a dit quelque chose qui est. Que lui-même, le prophète, il ne peut pas couper la lune en morceaux. Mais Allah lui a donné le miracle, par la volonté d'Allah. Kaunan, il l'a donné. Mais lui, il ne peut pas. Et ça, c'est valable pour tous les prophètes. Pour Isa, pour Moussa, alayhi salam. Moussa, alayhi salam, il prend un bateau, il frappe comme ça l'eau. La mer, c'est un signe qu'Allah a donné à ce moment-là. Il s'attendait, même lui, il ne s'attendait pas à ce qu'il est arrivé sur son coin, c'est Yassara'an derrière et tout. Lui, il sait qu'Allah va le sauver. Mais, révélation, le wahid frappe, et puis l'eau, il s'est tourné en deux. hein, c'est des signes qu'eux n'ont rien, eux ils n'ont pas le pouvoir eux-mêmes. Alors si eux dans leur vivant ne peuvent pas faire ça, comment après leur mort ils peuvent le faire? D'accord. Mais là, là il va dire quelqu'un, bon, les sahaba ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont demandé que ce qu'il a pu, il a pu faire de, pour eux. Donc ils ont dit, comme la personne l'a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nos familles ils sont dans la famine, nos biens ils sont détruits, il n'y a plus de pluie et tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un vendredi, il a fait du'a pour Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis il a fait pleuvoir. D'accord. Il va dire oui, mais nous on va pas invoquer, se diriger vers la tente. Mais nous on va pas sortir que de ce que font les sahaba au prophète finalement. On va demander à la personne qui est sous la tente, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va lui dire, c'est du'a pour nous, istaghfirlana. On n'a rien fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait comme les sahaba l'ont fait finalement. Hein? Les fils de Abna Yusuf, qu'est-ce qu'ils ont dit? Khalou ya Aban, istaghfirlana zunuban. Ils ont dit à leur père, fais du'a pour qu'il exauce, pour qu'il nous pardonne. Hein? Surat Yusuf. La fin de Surat Yusuf. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. Verset 97. Ils dirent, oh notre Père, implore pour nous la rémission de nos péchés, nous étions vraiment fautifs. C'est les Abn Yaqub, Ikhwat Yusuf. Quand ils, bon, ils ont fait l'erreur et tout, et après ils ont dit ça. Ils disent, non, on fait que ça finalement, implore pour nous. Là, comment vous allez répondre? Comment on va répondre à cette chouba? Parce qu'il est mort, ils ont tombé quoi? Ah, ça c'est un gros sujet. Ça c'est un gros sujet, ça. D'ailleurs, est-ce qu'Allah il a autorisé? Est-ce que dans le Coran, est-ce que vous avez une preuve dans le Coran, dans la Sunna, qu'on peut demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à n'importe quel homme vertueux de faire finalement comme ce qu'il a fait pendant son vivant, c'est-à-dire demander à Allah pour nous? Est-ce qu'il y a une preuve, ramener une preuve? Tout ce qu'on a, c'est le contraire. On a le contraire. Dans le Bukhari, qu'est-ce qu'il dit? À l'époque de Omar ibn al-Khattab, il y avait la sécheresse. La tombe du prophète, elle est à côté. Elle est à côté. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour demander que la pluie tombe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché qui? Amr Rasoul, l'oncle du prophète, Al-Abbas. Vivons ou non? Vivons. La tombe, elle est à côté. Omar ibn al-Khattab, parce que les sahaba, c'est les plus savants de... Hein? Comme a dit Ibn Mas'ud sur le sahaba, « A'maqu hadhihi al-ummati, akthar hadhihi al-ummati ilman. » Les plus grands savants des sahaba, c'est les plus grands savants de cette umma, de cette communauté. Et la plus grande savante de cette communauté, c'est Aïcha. Témoignage de l'Hafid al-Zahabi, hein? Les grands ulama de l'Hadith, quand il a parlé d'Aïcha, il a dit, je ne connais pas une femme qui est aussi fidèle dans la science. On se rend compte comment les chiites, c'est grave, hein? Comment ils la frappent, comment ils la... Donc il y a dans l'Hadith, enfin je l'ai marqué, كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس. Qui s'est passé au Omar radiallahu anhu quand il est sorti pour implorer Allah pour que la pluie tombe. Il a cherché qui? L'Abbas, parce qu'il est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Parce qu'il est vivant, il lui a demandé d'invoquer Allah pour que la pluie tombe. Parce que les sahaba, ils savent, ils connaissent la différence entre le mort et le vivant. Ils savent. Le prophète, à l'époque, on lui demandait, maintenant il est mort, on lui demande. Et j'ai marqué aussi le doua, comme il est, dans Sahih al-Bukhari, enfin dans l'explication de Bukhari, Hafid ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, le troisième volume, page 150. comment il a fait l'Abbas. L'Abbas, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bizad, wa lam yukshaf illa bitawba. Il a dit, oh Dieu, ah Rabb Allah, il n'arrive un malheur que à cause des péchés. Wa lam yukshaf illa bitawba. Et le malheur ne part que si on se repent. Tu te rends compte, Omar, subhanallah, l'indivis, hein? Vous avez assisté au cours de Salah ad-Din, quand Omar ibn Khattab, que Rasoul Sallam, quand il a fait le mi'raj, il a vu la maison de Omar ibn Khattab. Il n'a pas voulu rentrer parce qu'il savait que Omar est jaloux. Tu te rends compte? Donc parmi les 10, et pourtant il y avait ce doua. Alors, je sais pas comment on va dire. Mon péché. Et puis les gens, ils sont dirigés vers moi pour que je me dirige vers toi, Allah. Parce qu'ils connaissent ma position auprès de ton prophète. Et là, c'est nos mains vers toi, qui sont pleines de péchés. Hadi aidina ilayka bidunub wa nawasina ilayka bitawba. Et nous, on se dirige vers toi pour se repentir. Tasqina al-ghayb, fais descendre la pluie. Ça c'est le doua. Ils sont allés voir la tombe. Ils se sont prosternés devant la tombe, ils ont touché la tombe comme ça, le prophète, ils se battaient pour toucher la tombe, pour attendre la baraka là, dans la main pour ramener des bidons et les frotter contre la tombe. Oui, il ramène des bidons là sur la jupe. C'est une chose vraiment extraordinaire. Si tu en vas après tout, je fais ça. Donc, la preuve, c'est qu'ils ne sont pas allés, ne sont pas dirigés vers la tombe. Ils sont dirigés directement vers Allah. Or, on n'a pas de preuve qu'il faut aller demander le stirpar du professeur. Je veux dire, oh professeur, ça me fait le stirpar pour moi. Parce qu'il est dans l'autre monde, et l'autre monde, c'est un autre monde invisible. Et on ne peut avoir aucune connaissance de ce monde que par l'information que nous donne Allah. Et quand l'information vient, on dit quoi? Sami'na wa ata'na. On a obéi. On se soumet. Il est dans l'autre monde, ce qu'on appelle alam al-barzakh. Il est dans un autre monde, alam al-barzakh. Et nous, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Sauf que Allah nous a informé de ce qui vient de ce monde. Il nous a dit, par exemple, que les âmes des martyrs, du shuhada, ils sont dans des oiseaux qui sont en train de se promener au paradis. On a l'information. Donc, tout ce qu'on a, c'est ça. On n'a pas. Vous avez une preuve que le prophète sallam prend l'invocation, l'emmène vers Allah ou il intercède en faveur de quelqu'un. Pendant ça, on n'a pas. On a le contraire. On a le contraire de. D'accord? On sait que l'âme du prophète sallam, il a une position élevée et tout, mais tout ce qu'on sait. Et on sait dans des cas qu'il revient au prophète sallam quand on dit Assalamu alaikum. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Et que les anges, ils lui ramènent l'invocation, ils lui ramènent le dua, ils lui ramènent salam, ils lui ramènent salat. Ce qu'on a, on le pense. On n'a pas de preuve qu'il emmène l'invocation ou quoi que ce soit. Donc, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit dans les fatawis, ومعلوم ابن تيمية إلى ذلك. ومعلوم أن الملائكة تدعو للمؤمنين. Regardez les grands ulama comment ils touchent les choses. Mais سبحان الله. Regardez comment il a commencé. Il a dit. On sait que les anges, ils demandent à Allah de pardonner aux êtres humains. Il y a un verset là-dessus. كما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يا verset dit que les anges qui portent le trône d'Allah et ce qui est autour, ils font tasbih, ils font tasbih et ils font يستغفرون للذين آمنوا. Ils demandent Allah de pardonner aux gens pieux, aux gens mu'minins. يستغفرون. Ils disent ربنا وسعت كل شيء. Vous avez étendu, c'est-à-dire toute chose, par ta miséricorde et par ta science. Pardonne à ceux qui se sont repentis et qui ont suivi et qui t'ont suivi et protège-les. وَاقِهِمْ عَدَابَ الْجَحِمْ protège-les de l'enfer. Donc ils font stirfar les anges. Ils font stirfar. S'ils font stirfar alors, qu'est-ce qui se passe? On doit les invoquer? Hein? Ah non. Ouais. Ah. Ils sont pas dans le même monde, quoi. Ouais. Ah bah si, ils sont, mais... Dans les invoques, ils sont dans l'envoi, mais on les voit pas, on sait pas. Non, ils vont rien, ils vont pas les voir. Donc ils font finalement, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner. Allah il a dit, ceux qui prennent les je sais pas, mais ça c'est dans ceux qui portent l'arche et portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il les a informés de ce qui se passe dans le delà. Ils disent, ils demandent pardon aux gens de la terre, des gens pieux. D'accord? Allah il nous a informés, ils font ça. Mais est-ce que nous si on les invoque, on dit faites dua pour nous. Est-ce qu'ils nous entendent? Est-ce qu'ils vont nous suivre? Non. Si Allah leur dit faites ça, ils le font. Sans que nous, on les dit. Ils le disent, ils le font sans que nous, on leur demande. Allah, ils nous attendent dans le fond. Ils le font sans que nous, on leur dise quoi que ce soit. Mais si Allah leur dit ne faites pas ça. Et nous, on leur dit, oh, ange, demandez à Allah de nous pardonner. Ce que nous dirons, nous, il n'a aucun effet de ce qu'ils font. Parce que les anges, Allah, il leur a dit de faire ça. Et donc, ils ne peuvent pas sortir de la volonté d'Allah, ils ne peuvent pas sortir. Ils n'obéissent qu'à Allah, ils écoutent Allah. Ils n'obéissent qu'à Allah. D'accord? Donc, il dit, voilà, il continue. C'est vrai que c'est la fin du cours, et j'ai fini par un truc qui est assez fort, c'est Fatawa ibn Taymiyyah, c'est assez élevé, mais c'est beau quand vous arrivez à le comprendre. Comment il a pris l'exemple des anges, c'est... Comment il a sorti le verset, et le verset ça existe, il dit... Il commence par ça, et puis après, il s'implique dans des couloirs de science, il ouvre des chemins de science. Il te dit, « فَالْمَلَائِكَ تُسْتَغْفِرُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُمْ أَحَدٍ » Les anges, finalement, ils demandent pardon à Allah, ils demandent pour qu'Allah pardonne aux croyants, mais sans que personne ne leur demande quoi que ce soit. وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ غَيْرُهُ Et même ce qui a été rapporté sur le prophète صلى الله عليه وسلم et sur les autres prophètes, et sur les gens vertueux, qu'ils demandent à Allah de pardonner. Et qu'il intercède aux mouahidines. Ils intercèdent au meilleur de sa umma. Parce que l'intercession, elle est interdite aux mouchriques. L'associateur, il n'y a pas d'intercession. Oulaïka alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Hein? Man as'adu an-nasi bi shafa'atika ya Rasulallah? Qala? Man wahhad Allah subhanahu wa ta'ala? Man lam yushrik billah? Celui qui est mouahid, c'est celui qui mérite l'intercession. Les autres, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire mouahid dans l'adoration, c'est celui qui mérite l'intercession. Donc, il est vrai que vraiment les prophètes et tout, ils intercèdent et tout, ils demandent pardon pour les. Mais ce qu'ils font finalement, il fait partie de ce que font les anges. Parce que les anges, ils ne peuvent pas sortir de ce cas-là. Et les prophètes, après leur mort, ils ne peuvent faire que ça. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Même s'ils ont une position vers Allah, même s'ils font dua pour les mu'minines, notre dua à nous, il n'a aucun effet. Parce qu'ils sont dans le delà, parce que leur âme, il est prise dans les mains d'Allah. Voilà, je vais arrêter parce que je vais arrêter pour entrer dans le cœur du problème que posent les Ahbash aux gens maintenant. Parce que même des gens ici ils peuvent tomber, attention. Regardez ça, ils peuvent se sortir ça, comme je t'ai dit. Comme je vous ai dit. Je vous ai dit que nous on ne demande au prophète Hassan que ce que les Sahaba ont demandé. Qu'est-ce qu'on demande? Faites ce que vous faites de la pour nous. Qu'est-ce que tu veux? De toute façon, on finit par ça et on rentre dans le Souba, la porte qu'il touche, c'est-à-dire que les temples, que les gens, que les morts, ils entendent les vivants. Et ils ont beaucoup de preuves là-dessus. Attention, on ne dit pas qu'ils n'ont pas de preuves. Ils ont des preuves. Hein. Les innovateurs, ils apprennent par cœur des preuves, comme ça ils la jettent. Il les propage. Hein? De toute façon, j'arrête là et je vais continuer, inch'Allah, pour toucher. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.